إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 15 dans le charh de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, de Al-Usul al-Thalatha, qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi Thalathati al-Usul. Donc, on est arrivé à l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui mentionne l'explication de Ar-Rabb. Et qu'est-ce que ça signifie Ar-Rabb? Et il mentionne la preuve de ça par le verset wa alaykum salam wa rahmatullah, le verset dans lequel il clarifie la signification de Ar-Rabb. Et donc il dit wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala war-rabb huwa al-ma'bud wad-dalil qawluhu ta'ala ya ayyuha an-nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc le cheikh il mentionne que l'auteur rahimahullah il dit que Ar-Rabb ça signifie en arabe al-ma'boud. Le cheikh il dit que la preuve de ça c'est le verset 20, il mentionne les versets 21 à 22 dans sourate al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété. Celui qui a fait pour vous de la terre comme un lit, comme un tapis ou comme un lit, et du ciel comme un toit, comme une construction, et qui a fait descendre du ciel pour vous une eau par laquelle il fait sortir les fruits comme subsistance pour vous. Ne lui attribuez donc pas d'ego, alors que vous savez. Ne lui attribuez donc pas d'ego alors que vous savez. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique la rububiyya par al-uluhiyya, ou bien plutôt, comme les ulama l'expliquent souvent, qu'il établit la preuve de al-ibada ou al-ubudiyya, ou bien aussi on peut l'appeler al-uluhiyya, il l'établit par la preuve de la rububiyya. C'est-à-dire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul Seigneur, le seul Rabb, le seul Créateur, eh bien ça implique que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Parce que sinon, al-Rabb, ça veut pas dire al-ma'boud, mais ça veut dire celui qui a tout créé, celui qui a donné la subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui contrôle toutes choses dans l'univers et ainsi de suite. Ça c'est al-Rabb, celui qui s'occupe de tout dans l'univers. Tandis que al-ma'boud c'est plutôt al-ilah, al-ilah, c'est-à-dire la divinité, celui qui est adoré et celui qui a le droit exclusif à cette adoration-là. Mais il l'a expliqué pour montrer le lien qu'il y a entre la Rububiyya et l'Uluhiyya ici. Et donc, Cheikh Ubayd, il explique ça. Il dit وَفِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ أَدِلَّ أُخْرَى أَقَامَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ الْعِبَادَةِ فلنستعرض هذه الأدلة. Il dit que dans ces deux versets, donc il y a d'autres preuves que Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour mentionner que l'adoration est quelque chose qui est mérité uniquement par lui, et que c'est lui seul qui a ce droit et ce mérite d'être adoré. Et il va mentionner donc ici les preuves de ça. Il dit « ولكن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى معنى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول المفسرون هذا أول أمر جاء في القرآن وأقول لفظ الناس دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معرف بألف لام يعني لغير العهد وهذه الصيغة من صيغ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc avant de rentrer dans le détail de l'explication de ce verset, on va se poser la question, yani, qu'est-ce que signifie ici cette signification de ô vous les hommes, adorez votre Créateur. Les savants de tafsir, les savants de l'interprétation du Coran, ils disent que ça c'est le premier commandement qui est donné dans le Coran. Si tu ouvres le mushaf à partir de Surat al-Fatiha et que tu commences à lire jusqu'au verset 21, tu vas voir qu'il n'y a pas d'autre commandement qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier commandement qui est donné dans le mushaf si tu regardes dans l'ordre du mushaf. Et il dit c'est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite wa aqul wa lafdhu an-nas dalilun ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li'annahu mu'arrafun bi alif lam. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux hommes, an-nas, hein, l'humanité, les gens, les hommes, ça veut dire que c'est une preuve du message universel et général du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le terme ou le mot nas il est précédé par l'article al-iflam en arabe qui indique qu'on parle de tous les hommes sans exception, et ça c'est une forme pour généraliser le terme ici. Donc ça veut dire que ça implique tous les hommes sans exception, les arabes, les non-arabes, les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe le pays, peu importe le continent, tous sont appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah s'adresse à tous. Hein? Et le message donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est pour tous les hommes sur terre sans exception. D'accord? Et il dit que ensuite, ça, il dit ça, c'est il explique le fait que l'article Alif Lam, quand il est placé devant un mot, ça veut dire que ça devient ça rend le mot général. Et ça, c'est connu dans Usul al-Fiqh. Après, il dit wa thammata su'al, hal yadkhul al-jinn fi 'umum hadhihi al-aya, ani an-nas, wa ma dalla 'alayhi من عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الجواب الجن داخلون في عموم هذه الآية من جهتين أحدهما لغوي والآخر نصي شرعي. Donc la question que le cheikh pose ensuite c'est est-ce que les djinns rentrent dans le sens général de ce verset, c'est-à-dire quand Allah s'adresse en disant ô vous les hommes, est-ce que ça comprend les djinns aussi, parce que yani on sait qu'on parle du message universel et général du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute la création, c'est-à-dire pas seulement les hommes humains, mais aussi les hommes parmi les djinns. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ hein? » Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a eu des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge en les hommes parmi les djinns. Hein? Donc il parle des mushrikines qui cherchaient refuge en les djinns. Donc, c'est pour dire que il y a le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était adressé aux hommes et aux djinns. Et donc, comme on dit en arabe, al-thaqalayn, les deux mondes, le monde des hommes et le monde des djinns. Et le cheikh, il dit qu'il y a deux preuves, ou bien plutôt on peut l'établir, que les djinns rentrent dans le verset, et que quand Allah dit les hommes, que ça comprend également les djinns, et ça, ça peut être établi de deux façons, sur le plan linguistique et sur le plan du texte révélé. Et le premier point, le cheikh il dit: وَأَمَّا اللُّغَوِي فَلِأَنَّ لَفْظَ النَّاسِ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّوْسِ أَوْ النَّوَسِ وَهُوَ كَثْرَةُ الْحَرَكَةِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَامَّةِ مَكَانٌ يَنُوسُ أي تَكْثُرُ فِيهِ الْحَرَكَةِ. Le cheikh il dit que sur le plan linguistique, on peut dire que les djinns rentrent dans le terme nas. Pourquoi? Parce que le terme nas vient de an-naus, ou bien an-nawas, qui veut dire d'avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements. Et c'est pour ça que les gens disent makanun yanus, c'est-à-dire un endroit dans lequel il y a beaucoup de mouvements. L'autre explication, c'est sur le plan de le point de vue religieux, la preuve religieuse. Il dit: wa amma shar'i falamma rawahu al-Bukhari an Ibn Mas'ud falima rawa al-Bukhari an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi sabab nuzul qawlihi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab al-aya qala nasun min al-jinn ya'buduna fa aslamu al-hadith. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 57 dans sourate al-Isra, lorsqu'il dit dans ce verset ce qui signifie cela, ils invoquent et ils cherchent un moyen d'être plus proche de leur Seigneur. Et ce verset là l'imam al-Bukhari l'a rapporté, la cause de la révélation, selon Abdullah ibn Mas'ud, et il dit: il y avait des hommes parmi les djinns qui étaient adorés plutôt, yu'badun, nasun min al-djinn yu'badun fa aslamu. Donc il y avait des hommes parmi les djinns qui étaient adorés par les hommes et ils se sont convertis, sont rentrés dans l'islam. Donc, subhanallah, ça c'est des choses comme ça qui montrent que on peut utiliser le terme nas pour les djinns aussi. On peut utiliser le terme nas pour les hommes aussi. Et à propos de ça, j'ai entendu une histoire un peu surprenante et étrange de la part de certaines personnes en Haïti, qui supposément se sont convertis par l'intermédiaire du fait qu'ils ont appris à propos de l'islam par les djinns. C'est ce que certaines personnes ont mentionné. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Allahu a'lam. Mais c'est des gens, ils ont supposément entendu parler de la ilaha illallah sans que personne ne leur en ait parlé, et ils répétaient cette parole-là. Puis plus tard, quand ils sont partis aux États-Unis, ils ont entendu des musulmans qui disaient cette parole-là, et ils leur ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis c'est là qu'ils ont connu que c'était en fait l'islam. Mais ils disaient cette parole sans vraiment savoir qu'est-ce que ça signifie. Donc est-ce que c'était par l'intermédiaire des djinns, ou bien est-ce que c'était un autre moyen? Allahu alam. Des fois les gens racontent des histoires, on ne sait pas toujours si c'est vrai ou non, mais si c'est quelque chose de vrai, ça montre quand même que parmi les djinns, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, il y en a qui sont musulmans puis qui pratiquent l'islam. Naam. Et il y a sourate al-djinn qui parle de ce sujet là puis aussi sourate al-ahqaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il mentionne comment les djinns écoutent le Coran et comment ils se sont convertis à l'islam. Le cheikh il dit ensuite: بقي بعد هذا استخراج الأدلة التي أقامها الله على استحقاقه العبادة في هاتين الآيتين. فالله دعا الخلق إلى عبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين ما يدل على استحقاقه للعبادة، وكانت هذه الأدلة مما يقر به المشركون ولا ينازعون فيه، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية. يرحمك الله. Donc le cheikh il dit, il reste maintenant à extraire les preuves du verset que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour établir que c'est lui seul qui mérite l'adoration dans ces deux versets-là qu'on a récités, 21 et 22 dans Surat Al-Baqarah. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il appelle l'humanité et la création à son adoration en disant: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Puis par la suite il mentionne les preuves que c'est lui seul qui mérite l'adoration, et les preuves qu'il mentionne c'est des preuves que même les idolâtres avaient établies en eux-mêmes. Ils avaient accepté ces preuves là ils ne disputaient pas à leur sujet, ils étaient convaincus de ces faits là qui étaient mentionnés dans le verset, parce qu'ils croient déjà en Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire ils croient déjà en l'unicité d'Allah dans la Seigneurie et dans le fait qu'il est le seul créateur et le seul maître de tout. Donc les idolâtres de Quraysh à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas besoin d'être convaincus ou d'être appelés à croire en l'existence de Dieu. Ils croyaient déjà en l'existence d'un Dieu, et ils n'avaient pas besoin non plus d'être convaincus de l'unicité du fait que ce Dieu-là, hein, cet être tout-puissant, il est unique. Parce que ça, ils y croyaient déjà. Ils savaient déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, c'est le seul maître, le seul créateur de tout l'univers. Ça, ils étaient déjà convaincus de ça. Et donc, quand ils ont entendu ce verset-là, ils n'ont pas disputé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui est mentionné. Lorsque, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui ont été avant vous, les mushrikou n'ont pas dit: non, ça c'est pas vrai. Hein? Ils ont dit: oui, ça c'est la vérité. Et quand il dit: celui qui a fait pour vous de la terre comme un lit et du ciel comme un toit, ils n'ont pas dit: non, ça c'est pas vrai. Ils ont été d'accord avec ça. Et celui qui fait descendre pour vous une eau du ciel pour faire sortir par cette eau des fruits, hein, comme subsistance pour vous, ils n'ont pas commencé à nier ça pour dire: non, c'est pas vrai, la subsistance ça vient pas d'Allah. Ils n'ont pas remis ça en question, ils étaient déjà d'accord avec ça. Ils n'ont pas disputé ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors dans ce cas-là, pourquoi vous lui donnez des échos? Hein? Alors que vous savez, hein? Vous savez ça et vous êtes d'accord avec ça. Donc pourquoi dans ce cas-là vous allez adorer les idoles? Pourquoi vous adorez d'autres que lui? Donc c'est ça, en fait, l'argument qui est dans le verset. Hein? Et le cheikh il dit: فَإِلَا إِسْتِمْبَاطْ تِلْكُمُ الْأَدِلَّةِ. Et en passant, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il est un spécialiste dans le tafsir. Ça, c'est son domaine d'étude, hein, c'est son domaine de spécialisation. Donc, quand il fait le tafsir des versets, il explique très très bien, mashallah, les choses. Donc, il dit: Al-awwal, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, yani khalaqakum wa khalaqa man qablakum, wa la yunazi'u ahadun min Quraysh, wa la mimman hawlahum min afil iqrari bihadha dalil. Donc, le premier, comme je disais, quand il dit: celui qui vous a créé, qui a créé ceux qui étaient avant vous, hein, il vous a créé et a créé ceux qui étaient avant vous, personne parmi Quraysh, hein, parmi les mouchriquins de Quraysh ou ceux qui étaient autour d'eux allait disputer ça. Il n'y a personne parmi eux qui allait dire: non, c'est pas vrai. Comme les athées aujourd'hui, tu rencontres des gens aujourd'hui, ils te disent: je ne crois pas en l'existence de Dieu, hein? Quraysh, ils n'étaient pas des athées. Quraysh, ce n'était pas des gens qui reniaient l'existence du Créateur, non. Ils croyaient en l'existence du Créateur. Le problème avec le peuple des Arabes de Quraysh à l'époque, ce n'était pas ce problème-là. C'était le problème dans l'adoration. C'est-à-dire, ils reconnaissent l'existence d'Allah, mais ils adorent autre que lui. Ils prennent entre eux et Allah des associés, des intermédiaires, Hein, c'est-à-dire, ils adorent autre que Allah. Donc, ils ont affirmé ce que le verset a dit. La deuxième partie, le deuxième point, الذي جعل لكم الأرض فراشا, يعني جعل الأرض فراشا مفروشا ومع فرشها مسخرة يعني مسهلة ومذللة ومع فرشها ينال الناس منافعهم ومعايشهم فمنها ما هو ظاهر ومنها ما يستخرج. Le cheikh, il dit donc qu'il a fait pour vous de la terre comme un tapis, comme un lit. Hein. Il a tapissé la terre, hein, et il l'a aplani, et il l'a assujetti, et il l'a facilité pour qu'on puisse la parcourir. Hein. Et de cette façon, les hommes sont capables d'aller vers les endroits où ils ont besoin d'aller pour obtenir ce qui est bon pour eux, ce qui est bénéfique pour eux et ce dont ils ont besoin pour vivre. Et donc, parmi ces choses-là, il y a ce qui est apparent et ce qui est extrait de la terre, des choses que les hommes ont besoin. Et donc, ça aussi, c'est une chose qu'ils n'ont pas débattue ou refusé d'accepter. Après, le point numéro 3, وَبِنَا السَّمَاءِ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, ça c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé au-dessus de nos têtes les cieux. يعني وَرَابِعًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, يعني juste par rapport au le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé par-dessus nous des cieux, يعني subhanallah, ça c'est il y a une miséricorde et un signe pour nous, pour les créatures, qu'il l'a fait avec une grandeur, une immensité et une beauté incomparable. Donc quand on regarde ça, on est ébloui et on se sent pas à l'étroit, parce que il aurait pu le créer d'une autre façon, le ciel, hein. Il aurait pu le créer d'une autre couleur, d'une autre forme ou d'une autre façon, mais il a créé d'une manière et il a créé d'une grandeur qui en même temps nous fait voir à quel point c'est immense cette création là. Et ça montre aussi sa grandeur à lui, hein? Parce que sinon, regardez, on est dans une petite pièce ici, hein? C'est pas le plafond, il n'est pas haut, hein? on est à l'étroit. Mais comme si c'est pour, dans le sens que on vit dans cet espace qui est petit, mais quand on va dehors, on voit le ciel, on peut même pas imaginer même essayer de l'atteindre ou d'y toucher, hein. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense, il est grand, il est plus grand que sa création encore. Donc imaginez, si sa création est grande comme ça, donc essayez d'imaginer comme à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ça. Subhanallah. Et le point numéro 4, wa anzala min as-sama'i ma'an, yani inzalu al-ma' min as-sama', yashrabu an-nas min hadha al-ma' wa yasqawna an'amahum wa zuru'ahum. Il fait descendre de l'eau du ciel, hein, et de cette eau on peut en boire et on peut abreuver les animaux et on peut abreuver la terre pour justement la cultiver. Ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et donc, il dit, il a fait sortir pour vous donc de la subsistance pour vous de à partir de cette eau. إخراج الثمرات بذلكم الماء. يعني المنازل من السماء. يعني النازل من السماء. فهذه خمسة أدلة. يعني جاءت في هذه الآية على وجوب عبادة الله وحده دون سواه وبقي في الآية أمران آخران. Donc il y a cinq choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme preuve dans ce verset pour établir l'obligation d'adorer Allah seul en dehors de quoi que ce soit, et il reste deux choses à clarifier dans le verset. Cheikh il dit أحدهما قوله تعالى لعلكم تتقون. فما معنى ذلك أي لتتقوا فلعل هنا للتعليل Donc le cheikh, il explique que la première chose qui reste à clarifier, c'est la partie du verset où Allah dit « La'allakum tattaqoun ». Qu'est-ce que signifie « La'allakum tattaqoun » Il dit « Les tattaqou », c'est-à-dire pour que vous puissiez être pieux et devenir pieux. Hein? C'est la Allah, c'est dans le sens d'expliquer la raison ou la cause. Et il dit après at-taqwa fi al-lugha min al-wiqaya wa hiya al-hadhar min al-makruh wa istilahan fi'lu ta'ati Allah 'ala nurin min Allah talaban li thawabihi wa tarku ma'siyati Allah 'ala nurin min Allah wa khawfan min 'iqabihi wa at-taqwa hadhihi allati amara Allah biha هي في الحقيقة عبادته وطاعته وفعل أوامره واجتناب نواهيه في العبادة والمعاملة والسلوك ولها ثلاث مراتب وهي فعل المأمورات ترك المنهيات واجتناب المتشابهات أو الشبهات نعم donc le cheikh il explique que le terme taqwa dans la langue arabe linguistiquement ça veut dire de chercher à se protéger, hein, de chercher à se protéger, et c'est-à-dire de faire attention à ce qui peut être mauvais ou qui peut nous faire du mal. Donc ça c'est linguistiquement al-wiqaya, taqwa ça vient de wiqaya, donc la protection. Deuxièmement, sur le plan religieux maintenant, taqwa c'est de chercher une protection contre le châtiment d'Allah. Et comment on prend cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ou contre son châtiment? C'est en faisant ce qu'il nous ordonne avec connaissance et en cherchant la récompense de ça et en délaissant la désobéissance d'Allah avec connaissance en craignant son châtiment, en ayant peur de son châtiment. Donc quand tu fais ce qu'Allah t'ordonne avec connaissance et que tu espères sa récompense et que tu t'abstiens de ce qu'il t'interdit avec connaissance et en craignant son châtiment, alors tu fais preuve de piété. C'est ça la piété. Peut-être qu'en français le mot piété il a d'autres significations aussi, mais on utilise le terme piété parce que c'est le mot qui est employé pour traduire le terme taqwa, malgré que le terme taqwa est beaucoup plus vaste et beaucoup plus détaillé que le terme piété en français. Hein? Donc, des fois, quand on traduit des choses, c'est uniquement pour donner un sens rapproché à ce qu'on dit dans l'islam et dans l'arabe. Mais ça ne va jamais être une représentation exacte de ce que signifient les termes islamiques. Et c'est ça parfois qui amène des fausses conceptions dans la traduction aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit un verset traduit en français, que ce qu'on lit, c'est peut-être pas nécessairement exactement la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole. Et il faut faire donc attention à ça et essayer de faire des efforts justement pour essayer d'apprendre à comprendre la parole d'Allah dans la langue d'origine, l'arabe, pour essayer justement de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour être capable de mieux comprendre. Et le cheikh il explique donc que la piété ou bien taqwa en arabe, c'est donc de faire ça, de faire ce que Allah ordonne. Et ça en réalité c'est l'adoration et l'obéissance, et de faire ce qu'il nous ordonne et de nous écarter de ce qu'il nous interdit dans l'adoration et aussi dans les interactions avec les autres et aussi dans notre façon de se conduire et le comportement. Donc il y a donc 3 degrés. Le premier degré, c'est de faire les choses ordonnées. Le deuxième, c'est de délaisser les choses interdites. Et le troisième, c'est de s'écarter des choses ambiguës et douteuses, des choses qui ne sont pas claires. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas claires entre l'interdiction et les choses permises ou ordonnées. Et cette définition de la piété, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a mentionné, et il s'appelle Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, et c'est lui qui a expliqué la piété de cette façon-là. Et c'est une définition qui est vraiment complète. Le cheikh dit la deuxième chose qui reste à expliquer dans le verset, et on va terminer avec ça, c'est, il dit, وَثَانِي الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et donc, ne lui donnez pas des égaux. وَبَدَأَ الْآيَتَيْنِ بِالْأَمْرِ بِعِبَادَتِهِ وَخَتَمَهُمَا بِالنَّهِي عَنِ الشِّرْكِ بِهِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أي شُرَكَاءً فَالنِّدُّ هو النظير والمثيل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه أمدكم بهذه النعم ولا شريك له فيها فأخلصوا له العبادة لأن الأمر بالعبادة مطلقا لا يكفي فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما نازعه القوم يقولون لا بأس نعبد الله لكن قاسمة الظهر والمفرقة اعبدوا الله وحده أو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذا ما لا يريده القوم لتمكن الآلهة من قلوبهم خلفا عن سلف فكانت النزاعات والخصومة بل المفاصلة والقتل والقتال سبحان الله. Donc le cheikh il dit, donc la deuxième chose, comme on a dit, c'est ne lui donnez pas des égaux. Et il a commencé donc les deux versets par l'ordre d'adorer Allah, et il l'a terminé, il l'a conclu par l'interdiction de commettre le shirk, c'est-à-dire d'associer, de donner des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit ne lui donnez donc pas d'égaux, c'est-à-dire des partenaires, et an-nid en arabe ça veut dire an-nazir ou al-mathil, c'est-à-dire un semblable ou un pareil. Donc ne lui donnez pas des égaux et des partenaires. Et donc quand il dit ne lui donnez pas des égaux, alors que vous savez quoi, il dit que vous savez qu'il vous a donné toutes ces grâces là et qu'il n'a pas de partenaire dans ça. Alors dans ce cas là ça implique que puisqu'il n'a pas de partenaire dans ce qu'il vous a donné et dans ce qu'il a créé, alors vous ne devez pas lui donner de partenaire. Quand vous l'adorez, vous devez l'adorer lui seul, et purifier pour lui votre adoration. Il dit parce que seulement de dire adorer Allah, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant de dire aux hommes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas limité à dire aux gens de Quraysh adorer Allah. Parce que le cheikh dit, si il avait dit aux gens de Quraysh adorer Allah, ils auraient dit, d'accord, on adore Allah. Parce qu'ils adoraient déjà Allah. Ils priaient Allah, ils faisaient des sadaqas, ils faisaient le hajj, ils faisaient des adorations. Ils nourrissaient les pauvres, ils faisaient beaucoup d'adorations, les mushrikines. Mais le problème, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, adorez Allah, lui seul. C'est là que ça a créé le problème. Quand il leur a dit adorez Allah et n'associez rien avec lui, alors là, les Quraysh n'ont rien voulu savoir. Et les mushrikines, c'est là qu'ils ont un problème avec ça. Tu dis à un chrétien, prie Dieu, adore Dieu. Est-ce qu'il va te dire non? Non. Tu dis à un juif, adore Dieu, il ne va pas te dire non. Mais tu lui dis, adore Allah seul. Adore rien d'autre que lui. Adore pas Jésus, adore pas Marie, adore pas la croix, adore pas les étoiles, adore pas les idoles, adore pas les statues. Là, c'est là que ça lui dérange. Il va dire non, il faut adorer Jésus. Il insiste à adorer d'autres que Allah. Il veut pas adorer Allah seul. Et le cheikh dit parce que les idoles avaient pris une grande place dans leur cœur de génération en génération. Et donc, c'était là-dessus qu'il y avait le conflit et les disputes et même la séparation et même le combat. Et le fait, ils étaient prêts à tuer et à mourir pour ça, pour leurs idoles. Subhanallah. Donc, c'est pour dire que c'était ça en fait la vraie question. Puis le cheikh il dit, قال المصنف رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وهذا الكلام واضح بين ليس عليه مزيد ولا يحتاج إلى تعليق. Donc il cite la parole de l'imam Ibn Kathir qui dit qui explique, qui dit le créateur de toutes ces choses qui est mentionné dans les deux versets, c'est lui qui mérite d'être adoré. Hein? C'est ça le, c'est ça qui est le sens, hein, profond de ce verset là. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, on continuera la suite demain inchallah. Et là l'auteur, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, maintenant il va rentrer dans les différentes formes d'adoration et il va expliquer chaque forme d'adoration une après l'autre pour faire comprendre qu'est-ce que c'est l'adoration, puis qu'est-ce que c'est l'unicité d'Allah dans ces adorations là. Donc c'est là que ça devient vraiment important de bien comprendre ces choses là parce que ça nous aide par la suite à mieux comprendre le tawhid et qu'est-ce que ça signifie. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.